Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, ce vieux martyr, roi des picots, secte d'escrocs, de collaboniqueurs d'ado, brûleur de vierges, lécheur de cierges. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, ce vieux grincheux, sur un nuage disent les sages, ceux qui professent ils ont des messes, de mirlitons que l'homme est son. Portrait craché, oh quel péché, oh diable Dieu, oh diable Dieu, tueur de queue, son goupillon est un canon, et tous ses pâtres sont idolâtres, et son église n'est que traîtrise. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu. Mais s'il s'agit du grand ami miséricordieux, oh vive Dieu, vive la vie, celle qui lui les atomes de l'air du chrome, des misérables, des simples tables. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, merde biblique, vive l'unique, merde biblique. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable. Je suis pour le mariage pour tous et toutes. Alors, ça veut dire quoi? Bah, que encore une fois, les femmes sont discriminées et qu'on dit très couramment mariage gay, alors que les homosexuels féminines ne sont pas nommées gays. Donc, voilà, elles sont encore discriminées. Ah, vous parlez des femmes, mais vous êtes toujours un peu paradoxal, puisque vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes une auteure. Oui, oh bon, pourquoi? Alors là, il faut que le masculin domine. Il y a toujours eu des femmes. Attention, je vais me mettre en colère. Et ces connasses de soi-disant féministes québécoises ont introduit, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire, franchement, l'obligation de dire, presque l'obligation de dire écrivaine, ce qui est d'une sottise ou auteur, alors qu'il y a toujours eu des femmes écrivains, des femmes auteurs, depuis la nuit des temps, hein, carrément, bon, ça, depuis l'écriture, disons. Et que, par exemple, on dit une antilope ou une gazelle, même si c'est un mâle. Stop! Brigitte Fontaine, ça c'est pour l'écriture, mais... Arrêtez vos conneries, go! Tu me dis que je suis génial, entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je suis fatal, entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je suis sexy, entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que tu m'adores, entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Et que je suis à un trésor, entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Tu me dis que je te charme, entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Que tu déposes les armes, entre guillemets, laisse tomber les guillemets. Belle Brigitte, même si je ne suis pas d'accord avec ta vision du féminisme québécois, je t'adore. C'est ça l'intelligence, Madame Tremblay! C'est de savoir comparer les idées et surtout d'apprécier l'artiste! Puis moi, ben écoute, je suis inconditionnellement marié à Brigitte Fontaine. Oui, allô? Oui. Oui. Hello, oui, oui. Ah, monsieur, attendez. Je sais pas, attendez. Oui. On va mettre. Est-ce qu'on peut placer d'écho, s'il vous plaît? D'écho en écho? D'écho en écho, vas-y. Oui, allô? Oui, allô? Hello, oui, oui, oui. Attendez, vous êtes en onde, là? Êtes-vous là? Oui, allô? Oui, allô? Hello, Gaétan? Oui, c'est Rita, ma belle Gaétan. Non, mais je t'appelle pour te dire que si tu manques l'émission de ce soir, là, c'est quand même incommensurablement impardonnable. Pardon? C'est parce que c'est la plus belle. Je te dis qu'il n'a jamais fait mieux que ça. Là. Il s'est entraîné 3 semaines avant de parler au micro. Là. Il a levé, il a redescendu, il y avait des pompons, pas de pompons, il y avait des filles qui dansaient. Pas des filles. Ou si t'es française, mais des filles qui... C'est la meilleure émission, je te dis. Écoutez, petite curie, madame la gitane, ma belle religieuse, elle va aller chemoutarde, des mayonnaise. Surtout de la mayonnaise, la bonne mayonnaise faite à la maison, là, hein, c'est bon, la mayonnaise à la maison. La maison, c'est beau, c'est chaud, c'est bon, il y a du temps. Le clandestin ne s'éteint jamais en moi, mais au contraire, il jaillit de toute sa lumière pour éclairer les pourtours qui alimentent mes jours. Alimente mes jours, recule mes années. Je suis cet effronté qui frappe au destin et montre la main qui déchire l'éternité. C'est succès. 10 000 aspects de ma personne pour un seul résultat, moi. Pardon? Je répète pour la dernière fois. Pour les manchots. Les manchots que j'adore. Merci, bonsoir, à la prochaine. Non, 10 000 aspects, moi-même. Moi-même, j'ai déjà été pendant 3 semaines manchot. Et j'ai un grand respect. Non, j'ai perdu ton manchot. Non, j'ai perdu le chaud. Et le manche était trop bouillant. Et quand ça bouille, croyez-moi, Mme Thibodeau, ça fait des blou, blou, blou, je bois de l'eau au lit. Blou, blou, blou, je bois de l'eau au lit. Ce qu'il est-il de dose? De l'eau au lit. glisse l'eau dans mon lido. À 3h du matin, je me suis réveillé. J'étais dans ma salle de bain, oh quel parquet. J'étais au plafond, au grenier, oh quel malheur. Il était pas encore. Et Kimi, Kimi, Kimi, Kimi, je bois dans le lit. Je bois au lit de l'eau. C'est pas des mots. De l'eau au lit de l'eau dans mon lit d'eau. Ok, relax, mon tremblé, relax. Gaëtan Tremblay, là, qui voulait s'époumoner ce soir devant nous. C'est épouvantable. Là. Il était danseur avant, puis là, il veut faire le feu. Il veut. Comment il disait, genre. Balancer le feu! Ça, c'est Johnny. Il voulait balancer le feu. Il voulait brûler le feu. Brûler le feu! Couler le feu! Cracher le feu! Je suis un dragon à peine recherché. Oh, oui. Il voulait. Ça a été censuré à la dernière seconde. Merci, M. Thibodeau. Moi, je suis le censeur de l'ascenseur. Oui. Je monte, je descends et je vois des gens pénétrer dans des éternuements. Oui. Des quoi? Des éternuements. Éternuements? Oui, parce que dans un apichum, il peut se dire tellement de grossièreté. OK. Non, je vous le dis. Madame, on écoute? Oui, allô? Oui, allô? Monsieur? Allô? Allô? Gaétan? Non. Oui, c'est Rita, ma belle Gaétan. Okay. C'est, Non, mais je t'appelle pour te dire que... OK, vas-y. Si tu manques l'émission de ce soir, là, c'est... quand même incommensurablement impardonnable. T'es pas sérieux, ça? Ah, t'es pompette? C'est parce que c'est la plus belle. OK, la plus belle. Je te dis qu'il n'a jamais fait mieux que ça. Là. Okay. Il s'est entraîné 3 semaines avant de parler au micro. Là. Le micro? Il l'a levé, il l'a redescendu. Il y avait des pompons, pas de pompons. Il y avait des filles françaises. Aussi des françaises. Des françaises, quoi? C'est la meilleure émission. Ah, c'est la belle. Allô? Non, elle m'a lâché. Elle était pompeuse. Elle est pompeuse souvent, hein? Ben, pompeuse parce que. Elle attend. On lui dit c'est à 2h15, 3h30, 5h15. Mais l'émission, c'est à minuit! Eh, mon dieu! 10 000 This small a prism retreat. I want to see no more reason. 10 000 aspects de ma personne pour un seul résultat. Moi. Oh, monsieur. Laoul cherche à mousser et à entasser les bulles ricaneuses. Elles naissent par les chocs qui apaisent à travers les vagues. Que de suicides sur le rire. Rita? Oui, hello? Non, commence. Dernière prise. Sinon, on abandonne. On devrait déjà abandonner. On va prendre un petit texte. Le corps du texte. On demanderait à Tex le corps de venir nous chanter la chanson du frigidaire, hein, c'est bon? Non, on l'a pas invité. On l'a invité. Je t'ai dit qu'on l'a pas invité, Tex le corps. On n'a pas les moyens financiers, tabarde. Hey, on n'est pas dans le service plus que public, là. Surtout, Errance Reynaldienne, là. Il a perdu sa job, il est tout seul, il s'ennuie, il pleure, il crie, à mon dos, il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a plus de maudite scène. Il va à Paris sur le bras de. Sur le bras du bras. Le bras d'honneur. Ah, mon dos. Le bras d'honneur lui a payé un billet d'avion pour aller à Paris. Ah, mon dos. Voir des artistes. À Paris, voir des artistes. Simplement à Paris, voir des artistes. On lui a dit, ben, reviens à Québec avec ton enregistrement. Tes enregistrements. On va les saisir aux douanes. On va te faire cracher le morceau. Tu vas devenir un esclave radiophonique. Oh non! Oui. T'es un esclave. Tu seras. Tu seras un homme, mon fils? Non, tu seras un esclave radiophonique. Qui ça? Reynaldienne Véran. Reynaldienne Véran. Résolution. réapprovisionner, cellulaire, appelle-moi, Fido, Pancho, Tancho et compagnie, allô, Gaétan, oui, c'est moi. Alors, je vais, ça, c'est un rire quand même assez idiot. Lui-ci. Je deviendrai ce monstre funeste. Est-ce qu'il nous reste encore les moyens de financiers d'avoir de l'écho? Merci. Hey, ça, c'est dans le trou. Ben oui, on n'a plus de moyens, on n'a plus de maudits. C'est de okay, merci. Je deviendrai ce monstre funeste qui se meurt de trop exister. Oh, t'as fait la liaison. J'ai encore une conscience francophone. Il me reste que celle-là. Celle-là. Cette conscience francophone-là. Fun-là. Il y a du fun, là. Vraiment, là, il y a un gros plaisir. Et puis, il veut le partager avec le monde. Puis le monde, c'est qui? C'est vous! C'est vous, c'est vous, c'est nous, c'est tout. C'est tout, c'est tout. On continue. Monsieur le Président, j'aime ça parce que ça fait comme un lecteur de nouvelles. Mais non, c'est tout sur les écrans. Il n'y a même plus une maudite feuille au téléjournal. Hey, sincèrement, là, je me demande, là, en disant tout ça, ça fait combien d'années que je n'ai pas regardé à la télévision le téléjournal? C'est vrai. Avant ça, on avait, à l'école, en 5e ou 6e année, on nous demandait d'animer un téléjournal, de faire de l'actualité. Là, il y a petit fin finaux, là. Sans doute ses parents lui ont dit « Hey, mets le petit écouteur dans l'oreille! » Eh oui, hey, ça, c'était bon, hein? Le petit futé, là. Tout le monde l'a regardé et dit « Hey, garde-moi ça, le câble, l'imbécile! » On était jaloux. Moi, je suis un bec depuis combien de temps? Depuis ma naissance, là. J'étais là. Non, mais comme j'écrivais, je pouvais mettre des mots que je pouvais lire. Mais si vous me dites, fais-moi la lecture d'un texte, là, ça peut être très, très pénible. La preuve. Oh, tu ne feras pas s'asseoir. Quoi que ce soit, tout est permis. Ouais, mais j'aime ça parce que ton émission, s'il n'y a pas grand-chose de permis, tu te le permets très, très, très, très souvent. Ça, c'est vrai. Merci, bravo. Monsieur le Président, vas-tu nous lire quelque chose? Oh, ben non. Le ridicule ne tue pas. Ne tue pas, mais ne tueras pas si tu t'en vas sous le plancher flottant. Le plancher flottant, M. Thibodeau, c'est 350$ le mètre carré. Puis moi, mais je vais te le faire au pied rond. 3 pieds ronds, 20$. 2 rigodons, 20$. Puis un 7 carré, c'est 45$. Préparez-vous pour un 7 carré. Oui, oui, Madame Tremblay, ce serait fun. Ce soir, ce serait très plaisant d'entendre un 7 carré. Puis en plus, j'ai le disque juste là à côté de moi. Si je goûte un petit peu d'écho, là. Oh, mais même pas. Un beau bruit solennel. On va vous présenter un petit 7 carré. Attendez, un petit 7 carré. C'est comme ça qu'on va vous la chanter. En plus, c'est du temps des fêtes. Hey, ça, c'est beau, hein? Réciter le temps des fêtes quand c'est plus le temps des fêtes. C'est comme un gars qui est en dehors de la traque, mais depuis l'émission, là, on sait déjà que la traque est dépassée. Puis quand on dépasse la traque, on aime bien ça. Et puis, comment faire pour... c'est notre jour de l'an. C'est comme ça se passe. Chapeau fait le jour de l'an. Ouais, mais je pense que c'est toutes des chansons du jour de l'an. Fait qu'on n'osera pas chanter là-dessus, mais on vous le promet qu'avant la fin de l'émission, il y aura un 7 carré. On va le chercher! On va le trouver! On demanderait M. Thibodeau à notre recherchiste. C'est pas M. Thibodeau, c'est M. Bilodeau. M. Bilodeau, Bibi. Où est Geneviève? Elle est couchée. Couchée à l'horizontale. OK. Pour chercher sa verticalité de son intelligence. T37, bingo! Mais c'est pas de bingo. Monsieur le Président, on vous souhaite un 7 carré avant la fin. Vous l'aurez. Croyez-moi, je ne sais pas ce que je fais. Monsieur le Président, mais et bienvenue à l'émission indépendante francophone Errance Rinaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 2 mai 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons. On baisse le reste. Baisse-moi la... madame, on voit juste le bout des yeux, puis les gens vont se dire, c'est douteux, hein? On dirait que le monsieur n'est pas trop correct. Moi, je suis très correct, madame. Très correct. Alors, et pour nous envelopper, regardez-nous là, sur des vidéos sur mon site original et originel, errancerinaldienne.com. C'est Blogspot d'Errance Rinaldienne ou Errance Rinaldienne. Je sais qu'il y a un Blogspot là-dedans. Là. C'est qui est un spot? C'est comme Star Trek. Il y a quoi? Il y a Spock. Oui, mais moi, c'est errancerinaldienne.blogspot. Oh, une allusion. J'ai jamais aimé l'émission Star Trek. En fait, j'ai jamais rien compris. Moi, la science-fiction, pour moi, c'est le réel. C'est ce que je fais actuellement. C'est totalement hors de l'ordinaire. Alors, Tom Poisson, nous l'accueillons pour la dernière fois. Vous aurez pu croiser Tom Poisson il y a 10 ans, sillonnant la France à chevaux et à charrettes, jouant le soir en plein air le monde de gorge, le monde de gorge Brassens. Elle est à toi, cette chanson, toi le vernis qui sent façon. OK, Georges Brassens. Et la double circonstance de Marivaux, c'est à cette époque qu'il rencontre contre ses futurs acolytes, des fouteurs de joie. Quoique ce soir, c'est des fouteurs de récréation. OK? C'est Quiet Petico Burlesque. Comment? Quintet Poético Burlesque. Eh mon Dieu, ça, c'est devant un feu de foyer avec des guimauves. On va te la brûler, tes guimauves. On va la trouver, la phrase, là. On va dire quintet, parce qu'on est quatre. Poético, parce qu'on est poético poète. Puis burlesque, parce qu'on est peut-être drôle, comme Charlie Papin. Marley Papin. Marley Papin. Marley Papin. Elle est pas peine. Et puis quand elle s'envole avec son cher volant. Ah, mon Dieu. Non, c'est un parasol. Un parasol. Non, c'est un parapluie. Un parapluie. Eh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau, Marley Papin. Le fond. Dans le fond, là-bas. Dans le fond. Qui l'a rencontré dans le fond, madame? C'est pas vous, non? Oui! Elle se libère devant vous, Marley Papins. Est-elle si libertine? OK. Alors, en 2012, il écrit « L'homme qui rêvait d'être une girafe », un conte pour enfants. Et en 2013, Errance Rinaldienne le capta enfin. Voici la preuve. Je savais que tu n'étais pas comme tous ces chanteurs qui pleurnichent. Je grattais sur ma petite guitare en gardant le mince espoir de te croiser dans un couloir de la Johnny. Si c'est toi, engage-moi. Engage-moi. Alors, j'ai travaillé mes gammes, ma banane et mon sexe à pile des nuits blanches en gardant les feuilles, ranger les câbles et les micros. Si tu me laisses faire un solo, toute la musique que tu aimes, je la ferai sonner comme un requiem. La ferai sonner comme un requiem. Baby King, Albert King, Robert Johnson, les Rolling Stones, Robert Johnson, les Rolling Stones. Allez, Johnny, tu ne regretteras pas. Engage-moi. Que ça peut être pointé vers quelqu'un, tu... Ouais. Mais ça arrive rarement, en fait. Alors, t'essayes de dissocier et puis de ne pas accoter l'univers qui t'entoure dans le réel pour pouvoir avoir une création beaucoup plus libre et moins... Non, c'est souvent lié à des choses que je vis, que je vois, que je ressens. Donc, directement ou indirectement, des fois, je fais des détours. OK. Mais oui, je peux parler aussi de... Je sais pas, je m'interdis pas de... Je m'interdis pas de parler de la disparition d'un proche, par exemple. J'ai pu le faire dans un album, quand la douleur est là et que... Voilà, j'ai envie d'en parler d'une façon, même si je vais toujours pas essayer de le faire au premier degré. Je vais essayer d'en parler comme un... Autrement, par des détours, voilà. Est-ce que tu t'auto-censures lorsque tu t'adresses peut-être à des gens un peu plus jeunes ou tu places aucune limite? Non, mais je pense que je suis pas un chanteur qui s'adresse aux teenage. Malheureusement, parce que c'est ceux qui achètent, qui consomment la musique d'une façon ou d'une autre et qui se déplacent le plus au concert. Mais je pense que mon écriture, elle est peut-être plus adulte, elle se dirige plus vers les adultes que les jeunes teenagers, on va dire. Je pense que c'est à partir d'une vingtaine d'années, quoi. Malgré tout, est-ce que tu fais attention des mots que tu choisis où il n'y a aucune limite, tu es vraiment ouvert à tout? Il n'y a pas de limite, sauf quand je vois que c'est par accord, après examen, à ma propre sensibilité ou à ma propre... faculté d'interprète. Okay. Quand je peux écrire sur du papier un gros mot et puis le ressentir et assumer ça, mais une fois que je vais le chanter, je vais me rendre compte que en tant qu'interprète, ça va pas me coller. Un gars comme Arnaud pourrait le faire magnifiquement, mais moi je vais pas être capable de le faire, quoi. Okay. Parce que tu sens que le personnage de Tom Poisson est pas dans cette lignée là. Par exemple, oui, je sens que c'est pas raccord avec ma sensibilité, voilà, d'interprète. Oui, comme Brassens disait, moi, il faut que je dise phonographe, je peux pas dire platine analogique parce que ça sortirait pas. Mais phonographe, dans la bouche de Brassens, c'était vraiment l'univers que l'on se créait du personnage. Oui, donc c'est un peu comme toi, tu peux pas dire putain de bordel de merde. Non, c'est marrant que tu dises ça parce que vas-y. J'ai essayé de le dire dans une chanson exactement. Okay. Là que je viens d'enregistrer en plus. Et puis, finalement ça collait pas. Et c'était comme ça, putain bordel de merde. Non, c'était bordel de merde. Ok. Mais j'ai pas réussi à. Finalement ça a pas passé l'épreuve du temps et il a fallu que je change un petit peu le texte pour. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a des chanteurs, surtout dans les 80-85 Renault, qui pouvaient faire une chanson puis à la fin. À la toute fin de la chanson, l'émission est presque terminée, on entend le dernier son, on dit « putain de bordel ». Tu sais, ça fait pas partie de la chanson, mais en même temps, pour l'enregistrement, c'est comme ça. Sur scène, tu peux aussi abandonner cette dernière réplique-là, mais sur le disque, il reste que tu viens de dire « bordel de merde ». Là, pour le coup, c'était vraiment une chanson qui... C'était le mot. C'était une chanson un peu... un terme un peu clé dans la chanson, donc voilà. Soit il y est, soit il y est pas. Donc on a préféré... En plus, l'arrangement a évolué, et du coup, au début, c'était un truc pop un peu énervé, du coup, ça avait du sens, un peu presque à la Didier Vampas. Okay. Mais du coup, là, ça avait du sens, mais comme l'arrangement a évolué vers quelque chose d'un peu plus doux, ça la grossièreté n'avait plus lieu d'être. Voilà. Mais tu parlais de Didier Vampas, est-ce que c'est le genre de rythme que tu voudrais à un moment donné... placé sur tes prochaines chansons? Non, pas... Okay. Mais je trouve que la chanson était un peu énervée comme ça, un peu... un peu rock, mais à la fois un peu pop. C'était des noirs comme ça qu'on jouait tous ensemble. Et voilà, comme la couleur de la chanson a évolué. Voilà. Mais tu disais tout à l'heure, on a. C'est qui ça, le on? Alors, le on en question, le gars avec qui j'ai le plus plaisir à travailler en ce moment, c'est un gars qui s'appelle Fred Palem. Ok. Je sais pas si tu connais. Fred Palem, c'est un... Je connais Fred Pellerin. C'est un gars qui... Ouais, ouais, moi aussi. Un petit, tout petit peu. Fred Palem, c'est un gars assez reconnu en France pour... il a un projet qui s'appelle Le Sacre du Tympan, notamment. OK. Voilà, qui... lui, il a un parcours tout autre que le mien. C'est-à-dire que moi, si je suis un bidouilleur, un autodidacte, lui, c'est un gars qui a vraiment travaillé énormément la musique et qui a un vrai savoir-faire, et un savoir-faire surtout très large. Il a fait le Conservatoire National de Jazz. Ah oui, okay. Et un des meilleurs de sa promo. Il a monté des orchestres. Mais par contre, il a toujours cet amour de la variété aussi, de la chanson, et aussi parfois du jazz complètement barré, de la musique de film. Il a un savoir-faire. Il a une encyclopédie un petit peu. Okay. Et il se trouve qu'en plus, on est très amis. On partage beaucoup de choses dans la vie. On est très amis. Et c'est devenu un peu mon arrangeur attitré. Oh, c'est bien. Voilà, c'est celui qui a rangé le dernier album qui s'appelle Trapéziste. Okay. Et là, je pense qu'on a encore mieux maintenant trouvé le moyen de travailler ensemble. Je sais où faut l'arrêter et il sait là où faut me faire violence. Okay. Voilà. Alors, vous commencez à vivre l'osmose sans trop d'attente, vous branchez rapidement. Exactement, exactement. Et donc, le prochain disque, là, je fais la dernière séance de studio lundi prochain. Ça, c'est Libre et Bouquin, là, le... Ouais. Ok. Et je suis très content de ce qu'on a enregistré. On va prendre le temps. Je ne sais pas quand ça va sortir, chez qui, etc. Ouais, on va voir. C'est terminé, là. Il reste. Mais là encore, j'ai toujours fait les choses à l'envers. J'ai jamais été signé par une maison de disques avant de faire un disque, moi. J'ai toujours trouvé les maisons de disques une fois que j'avais enregistré mon disque. Et c'est peut-être mieux, non? Bah, en Parce tout cas, là, oui. La pression est passée, c'est ça. Si vous ne la voulez pas. Aller voir ailleurs. Je la remets dans ma culotte. Ah ouais, c'est ça exactement, comme tu sais, on parlait de Benoît, ouais. Hey, j'ai des questions, tu peux y répondre comme tu veux. Tu peux partir, tu peux rapidement me dire la façon dont tu envisages un peu ce que je vais te poser. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Ah, du vin, du bon vin. Celui-là? Est-ce qu'il était bon celui-là? Il était très bon, je viens de boire un Sancerre blanc, ça marche toujours. Ouais. Mais... les vins de Bourgogne, qu'ils soient blancs et rouges, me fascinent complètement. Alors tu es un amateur de vin? Ah oui, vraiment, j'adore. Je suis pas un grand connaisseur, enfin, je suis pas un spécialiste, on va dire, mais j'adore le vin vraiment, le bon vin. Et si tu étais une ville? Une ville... As-tu beaucoup voyagé dans ta vie? À part dans ta tête, là. J'ai pas énormément voyagé. Les voyages, je les fais pas mal au travers des rencontres que je fais. Et puis, j'ai voyagé un peu, mais j'ai pas cette soif de voyage. C'est pas une nécessité chez moi. Okay. C'est plutôt au travers de des rencontres et au travers de mon métier aussi, des fois, de voyager. J'ai du mal à être touriste, en fait. Okay. Donne-moi une cigarette. À moi qui ne sais même pas fumer. Allons voir les majorettes et leurs jolis défilés. Je ne sais plus quand je suis né. J'ai un peu peur d'additionner. Mon cœur fait un tel fracas. À croire qu'il ne s'arrêtera pas. Je veux aimer le temps qui reste. Je veux aimer le temps qui court. Remplir toutes les poches de ma veste avec mes plus beaux détours. Quelle est cette maladie? Cette flamme à fleur de peau. Ce flot qui m'envahit. Je veux aimer tout haut. Je veux bien aller danser. Je ne veux plus jamais rester. Regardez ma vie qui s'étire. Je je ne veux plus jamais dormir. Donne-moi une cigarette, à moi qui ne sais même pas fumer. Chaque heure sera jour de fête, allons voir le défilé. Allons voir le défilé. Du mal, de hurler à genoux, c'est de te voir tourner en rond, ça me colle chaque fois les frissons, on dirait que mon héros vacille, qu'il touche le fond, tu sais plus quels sont les mots pour passer tes colères, des larves bruyantes ont volé ton vocabulaire, t'habiller en bleu tes pensées. Jongler pour que tes mots glissent et flatter celle qui fut jadis ta fiancée. Oh papa, je te jure qu'on s'en ira au-dessus de toi. Oh papa, je suis sûr que tu seras plus heureux là-bas. Pan, pan, pan, pan. Envie dire encore que tu ne méritais pas, comme si ça suffit pas, la vie et ses tracas, toucher toi devient maladroit, ton regard n'accroche plus le mien, si au moins on te laissait le droit d'arrêter là. Oh papa, je te jure qu'on s'en ira au-dessus des toits. Oh papa, je suis sûr que tu seras plus heureux là-bas. Pan, pan, pan, pan. j'ai là, sous les yeux, la photo de tes 20 ans. Paris, en noir et blanc, tu sifflotes en marchant. Et j'ai l'impression de me voir, foulant les pavés parisiens, insouciant et heureux d'être en retard. Oh, papa, je te jure qu'on s'en ira au-dessus des toits. Oh, papa, je suis sûr que tu seras plus heureux là-bas. Pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan, pan. Mais peut-être que... Si j'étais une ville, peut-être... Peut-être que je serais Mogador. Pourquoi ? C'est-à-dire, c'est la ville d'Essaouira. Où j'ai trouvé un... J'ai trouvé quelque chose... Un climat très, très particulier entre la... Entre la rugosité, la violence et le bruit des villes marocaines. Et en même temps, et la douceur. Parce que c'est quand même une ville au bord de la mer. Ouais. Il y a des odeurs très enveloppantes et voilà. Qui semble paisible, mais voilà. Au contraire... Il y a un peu les deux, c'est un drôle de mélange, ça m'a parlé beaucoup. C'est une belle salle à Paris. Et c'est là que je me suis posé un peu pour finir mon album d'ailleurs de ouais. Richa Million, okay. Le troisième album. Ouais. J'ai fini, j'ai écrit 3 ou 4 chansons là-bas, assez importantes sur le disque pour moi, que j'ai fini d'écrire là-bas. Voilà. Et donc il y a en même temps, il y a l'océan aussi, mais c'est l'océan un peu vraiment rugueux. Oh, il rentre dedans. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue, je serais le... C'était bon. Si j'étais une langue, je serais cette langue là, tu sais, que parlent les bushmen. Les bushmen. Les bushmen en Afrique, qui okay. Ouais. Qui est assez percussif, où ils mélangent okay. Qui mélangent les sons et les bruits. Okay. C'est une langue un peu percussive. C'est vrai. Si tu étais, alors pour peut-être un album avec ce genre de bruit là. Un album ? Ben oui, ah. Paul Simon, Graceland, on entend quelques percussions ouais, mais là, c'est culturel, là. Oui, ben oui, pourquoi pas. amener un autre éclairage à la chanson française, j'ai aucun problème. Si tu étais une époque... Une époque ? Oui. Alors, ce serait quoi ton mot ? Ce serait... Ok, parfait. Si tu étais une époque... Si j'étais une époque, je serais... Je trouve l'époque dans laquelle on vit assez fascinante. Assez particulière aussi. Ouais, assez désespérante et en même temps assez fascinante de par la technologie qui vient comme ça bouleverser nos vies, mais de façon immédiate. Ouais. Il y a presque plus de latence entre la découverte technologique et les retombées immédiates dans notre vie quotidienne, quoi. Donc ça s'est accéléré à une vitesse prodigieuse. Je trouve cette époque assez incroyable. Mais est-ce que tu te sens à l'aise là-dedans, dans toutes les nouvelles apparitions technologiques, autant pour... Ah, j'ai du mal à trouver ma place. Okay. J'en parle d'ailleurs, j'en parle souvent. J'ai du mal à trouver ma place parce que c'est souvent au détriment de... De l'humanisme, de l'humanité. De l'humain. Ouais. De l'humain et du contact immédiat, et du coup ça me provoque souvent des souffrances. Ça perturbe. Mais en même temps ça m'intéresse vraiment. Ok. Puis même dans les studios, tout a été changé. Quand tu fais des albums, alors c'est ça, comme c'est magnifique ça. Ok, par contre. Ça, tu trouves ça positif. Ah, j'adore. Okay. Ultra positif. L'époque où on nous mettait en studio, il fallait absolument. Tu savais que la journée de studio allait te coûter. Aller te coûter, je sais pas, 4000 francs ou 5000 francs par jour. C'était tout l'inverse de moi. Tandis que là, la démocratisation du home studio, par exemple, et voilà, ça permet vraiment... Bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même du bon matériel et du savoir-faire. Et voilà, j'essaye de faire les choses bien. Mais par contre, ça démocratise vraiment la création. Et pour toi, c'est plus facile ? Ah oui, mille fois plus facile. Puisque tu peux prendre ton temps, tu peux relaxer, tu sens moins le stress. Donc, la façon de faire se ressent aussi à travers les chansons. Oui, et puis j'ai jamais été aussi... C'était lié à une méthodologie de travail. Et comme j'en parlais tout à l'heure, j'ai horreur des modes d'emploi, des méthodologies et tout ça. Les studios, avant, c'était quoi? On disait, Coco, tu vas au studio du 5 au 17 pour faire ton album. Et on arrivait en studio et déjà on lui disait, bon voilà, pour faire un bon disque, il faut faire déjà basse batterie. Alors on m'a expliqué qu'il fallait faire comme ça. Pour moi, depuis, j'adore faire les choses tout à l'envers au studio. Commencer par un guitare-voix et puis ensuite empiler, etc. Ou alors jouer tous ensemble, mais commencer par des basses batteries. Pendant une journée, on fait le son d'une batterie. Donc t'es crevé, tu sors de là. Au bout d'une journée, on te dit, bah demain on fait les prises batterie. Voilà, super. Attends, c'est un travail qui me déplaît fondamentalement. Quoi. Tu sens plus non plus côté artistique. Là, quand c'est, plus du tout. Ouais. Ça me casse toute velléité artistique. Si tu étais un aliment. Hein? Un aliment. Un aliment. Ouais. Un aliment, je serais je crois que je vais me répéter, mais pour le coup je serais un poisson. Du poisson lequel? Dorade. Okay. Pourquoi tu ne dis pas, tu dis calmement comme ça? C'est interdit? Faut pas déranger les voisins. Ok. Que ta piscine resterait toujours clean. Tu pensais que ta villa marcherait toujours droit. Les testicules au frais coincés dans ton blue jean. Et de la poulet douce au dry martini jean. Tu pensais continuer à ignorer ta mère. Aujourd'hui tu l'appelles le soir en t'endormant. Quelle douce volupté de te savoir à terre, à chialer dans ton lit piteux, agonisant. Et moi je suis heureux, ouais moi je rigole bien. Quels instants savoureux, j'applaudis dès demain. Tu pensais continuer à donner des cocktails aux starlettes enflammées, la nuit rouler des pelles, faire du bateau l'été, faire du chameau l'hiver, et parler de bouddhisme le soir autour d'un verre. Tu pensais continuer à ignorer ces filles qui pendues à ton cou croyaient au grand amour, à les renverser toutes comme dans un jeu de quilles, à ne plus les reconnaître dès le lever du jour. Et moi je suis heureux. Ouais, moi, je rigole bien. Quels instants savoureux, j'applaudis dès demain. Yeah. Ah. Bah alors, le désir animal. lover took her in his arms under her thumb. I send her a son. She was nothing but love. More said than done, but her days were numbered. Nil, count 14 falls, 15 on call. La vodka, l'armée soviétique, le steak tartare, le Valarus et les Spoutnik, le Tupolev, les choux rouges et la naphtaline, et la pilule que l'on appelle Dada Kikine. Dada niet, niet, niet, niet. Danser le tango soviétique. Niet, niet, danser le tango en avant la musique. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai rencontré le grand amour de ma vie. Elle était russe, elle était née en Sibérie. Elle était belle, elle s'appelait Olga. Elle vidait tous les jours sa bouteille de vodka. Oui, mais souvent à mon boulot je prenais congé, car je ne savais la voir que pendant la journée. Car toutes les nuits elle chantait avec une voix grave des chansons d'amour dans un cabaret slave. Dada niet, niet, niet, niet. Danser le tango soviétique. Hey! Dada niet, niet, niet, niet. Danser le tango en avant la musique. Moi qui croyais que ce n'était qu'une aventure, maintenant je suis habillé d'un manteau de fourrure. Elle m'a présenté au patron de sa baraque, et c'est comme ça que je suis devenu danseur cosaque. ta da niet niet niet niet. Danser le tango soviétique. Ta da niet niet niet niet. Danser le tango en avant la musique. J'étais une girafe. Si j'étais une girafe, ce serait bien, ce serait classe. Si j'étais girafe ou girafon, plus besoin de parler pour se comprendre un peu. Besoin de hurler pour exister enfin. Ouh. Ah si j'étais une girafe. Si j'étais une girafe, ce serait bien, ce serait classe. Si j'étais girafe ou girafon. Fini les rendez-vous, la peur d'être en retard, la fumée des voitures et les marteaux piqueurs. Ouh. Ah si j'étais une girafe. Si j'étais une girafe, ce serait bien, ce serait classe. Si j'étais girafe ou girafon, je veux savoir un coup long comme un télescope et parler aux oiseaux en haut des baobabs. Je ne veux plus être seul, je veux rejoindre ceux à de petites cornes qui me ressemblent. J'étais une girafe. Si j'étais une girafe, ce serait bien, ce serait classe. Si j'étais girafe ou girafon, je veux les hautes herbes pour chatouiller mes jambes. Écoutez le silence au fond de la savane. Ah, si j'étais une girafe. Si j'étais une girafe. Ce serait bien, ce serait classe. Si j'étais. C'était une saison. Une saison, je serais le définitivement le printemps. Pour la renaissance, pour l'hiver enfin passé. Pour la renaissance et le et l'excitation, le fourmillement. Et c'est un peu que là-dessus que je fonctionne. C'est un vrai moteur, moi. L'excitation globale, pas seulement sexuelle. Je te vois venir. Hein. Ah oui. Mais... Oui. Elle en fait partie, bien entendu. C'est un vrai moteur. Les femmes, le sexe, mais c'est quelque chose de global, quoi, d'excitation, autour de l'excitation, autour du fourmillement. La renaissance, voilà. De tout. Voilà. Des sens. Des sens, tu empires des sens, certains cinéastes. Si tu étais un membre corporel. Je t'en prie. Vas-y. On va continuer à picoler, ça va peut-être. ça risque d'être facile. La langue. Pour parce que c'est le pour moi c'est le toucher. C'est le toucher, mais c'est à la fois le toucher et le goût, la texture, c'est plein de choses en même temps. Comme je suis très gourmand. Ok. Voilà. Si tu étais un moment de la journée. Le moment qu'on est en train de passer ensemble, c'est-à-dire le début de soirée. Voilà. Ok, c'est pas vraiment parce qu'on y est là, c'est parce que c'est le début. ce moment de la journée, qui peut correspondre tantôt à l'apéritif ou en tout cas une décompression. Quoi. Après une journée assez mouvementée, voilà. Dans le trafic de Paris, si tu étais un autre individu. Alors là, j'ai jamais eu ce fantasme, malheureusement. J'aime bien fonctionner par contrainte dans tout ce que je fais, et aussi, du coup, artistiquement, de fonctionner avec ses qualités, mais surtout avec ses défauts. Et du coup, c'est ça qui m'excite. C'est les contraintes. Okay. Et du coup, j'aime être moi-même parce que y a plein de choses que... dont je suis pas satisfait à la base et j'essaye de faire avec, voilà. Et notamment artistiquement. Quand par exemple, pour le raconter basiquement, t'aimerais avoir la voix de Tom Waits et puis que t'as une voix. T'as pas assez fumé de cigarettes, peut-être, et bu d'alcool. Voilà. Donc on va s'y employer ce soir. Ok, ben oui, faut commencer quelque part et c'est maintenant. Faut bien commencer. Hein. Ben oui, allons-y. à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ben c'est la même réponse. Ok. Parce que, oui, je crois que je ferais le... Enfin, j'ai rien envie de changer, en tout cas. Ouais. Autant de ta vie artistique que ta vie personnelle. Le truc, c'est que je prends vraiment mon temps. C'est-à-dire que tout vient à point. Ok. C'est-à-dire, j'ai notamment l'amour, la vie familiale... la vie artistique, tout ça, il faut vraiment me donner le temps, moi. Mais toi, t'es un gars. Je suis arrivé avec un premier album où j'ai l'impression, pas prêt artistiquement. Si j'avais sorti mon troisième album à la place du premier, par exemple, il y aurait eu, je pense, beaucoup plus de retentissement. Parce que là, j'étais plus... J'étais équipé. Disons qu'en tant qu'interprète, par exemple, j'étais vocalement plus prêt, je pense. Mais non, je regrette rien, au contraire. Parce que la chanson était déjà là aussi après le troisième album. Le début, c'est « On t'attend », le premier album « On t'attend ». C'est aussi beaucoup de travail. Le premier album, c'est des trucs que tu as fait il y a longtemps. Donc, tu récupères et t'amènes le premier album. Le deuxième, ben là, tu es attendu au détour. Le troisième, ben là, c'est la maturité. Le troisième album, ça devrait être la maturité. C'est ce que les... Peut-être que ça s'est passé. De la discographie. En tout cas, c'est celui où je suis allé chercher le plus loin émotionnellement et même en termes de fatigue pendant l'enregistrement et tout. Ça a été le celui où je suis allé chercher le plus loin. On a passé beaucoup beaucoup de temps en studio. On s'est arrêté. Je suis parti donc justement à Essaouira finir l'album, réfléchir à tout ça, revenir. On a mis quelques chansons à la poubelle. On en a réenregistré 4 autres. Voilà, ça a été. Voilà, il n'y a pas de recette, une fois de plus. L'album d'après, j'ai adoré aller très vite et faire vraiment sur l'énergie des musiciens et sur le moment à l'instant T. C'est bien aussi ça. Lorsque tu réécoutes tes anciens albums, est-ce que tu trouves que ça a bien vieilli? J'ai du mal à me réécouter en tant qu'interprète. Il y a plein de chansons dont j'assume la composition, vraiment. Mais par contre, c'est la réalisation, quoi. Une fois de plus, c'est le côté chanteur qui me pose le plus de problèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est qui ce type ? Il est bizarre, non, il est bizarre. Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cherche à taper toute la journée avec son marteau ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il a les mains abîmées et les yeux cernés. Il est maigre comme un clou, il est sec comme un coucou. Il va tomber, mais il va tomber. À la petite cuillère, on va le ramasser. Qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a les mains abîmées et les yeux cernés. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Qui est-il? D'où vient-il? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est sous? Est-ce un génie ou rien du tout? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est sous? Est-ce un génie ou rien du tout? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Une surprise. Thank you. check www.armadamusic.com. Thank you. La mia mente ha preso il volo, un pensiero uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte. Fanali bianchi nella notte, una voce che mi parla, chi sarà? Dimmi ragazzo, solo dove vai? Perché tanto dolore hai perduto senza dubbio un grande amore, ma di amore è tutta piena la città. No, ragazza sola, no, no, no, stavolta sei in errore. Non ho perso solamente un grande amore, ieri sera ho perso tutto con lei. Con lei, i colori della vita, serve la mia mano per nuotare. Grazie, ma stasera io vorrei morire. Perché sai, negli occhi miei c'è un angelo che ormai non vola più, che ormai non vola più, che ormai non vola più. Colori della vita, dois-je dire? Combien de livres dois-je écrire? De cathédrales à bâtir? Plus je me fais plaisir, plus je trouve des nuances qui m'intéressent. Et en tout cas, c'est en constante évolution. Donc, je sais pas jusqu'à quand ça va évoluer. Mais des artistes, il y a des artistes comme qui sont prêts à 20 ans, qui ont, il y a une immédiateté à quelque chose. Moi, c'est absolument pas mon cas. Ça prend du temps. Ça prend du temps dans la vie, comme dans la chanson. Pour moi, il faut me laisser le temps, quoi. Voilà. Et tu trouves ça pour toi naturel, c'est ta façon de créer. Mais en tout cas, c'est très agréable à vivre. Parce que du coup, on a constamment l'impression d'être un débutant. Oui, c'est vrai. C'est chouette. Est-ce que ces chansons-là, est-ce que tu fais ressemblent un peu à ce que tu proposes dans la création, la lenteur, la certaine légèreté? Bon, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on reprendra demain. Est-ce que ça peut se ressentir? Non, je suis tout sauf un gars cool hein, quand même dans la vie. Hein. Ok. Non, je suis stressé quand même. Hein. Ok. Il y a ça paraît pas. Beaucoup de choses ont de l'enjeu. Hein. Ok. Parce que lorsque t'en parles, tu bon. Non, mais je dis que je me laisse porter par l'envie, mais ça veut pas dire que je suis pas stressé pour tout un tas d'autres choses. Ok. Voilà, c'est. Alors t'es dans les. Je mets de l'importance. Tout a de l'importance quand même. Je suis pas un gars cool qui. Alors, tu actives malgré tout ce qui se passe. Ouais. Tu mets l'accent. Je suis un. À quoi ça? Je suis une sorte de nostalgique, mais en même temps très optimiste. Donc l'optimisme vient contrebalancer la nostalgie. Et voilà, le moteur il se fait comme ça. Mais quand même, il y a du stress, il y a du. Mais c'est ça la vie d'artiste aussi, hein. Tu sais jamais de quoi demain sera fait. Alors c'est pas ça qui me stresse curieusement, okay. C'est peut-être ouais, certains enjeux et certaines peut-être la peur de une peur ouais, qui s'est accentuée depuis que je suis papa d'ailleurs, mais une peur de peut-être de mal faire les choses peut-être. De mal faire les choses, ouais. Mais pour le coup, il n'y a pas de légèreté. Je suis pas quelqu'un de léger, non. Est-ce que tu as dans ton équipe un tourneur, quelqu'un qui organise tes spectacles ou si c'est toi qui frappe aux portes pour. Non, bien sûr, il y a. Est-ce que l'éventualité de venir au Québec est dans l'orientation de ton tourneur ou de toi comme poisson? Je sais pas quand, comment, je suis déjà venu au Québec, mais il y a un certain temps, et malheureusement. C'est ça, hein? C'était coup de cœur francophone. Oui, exactement. C'était un vrai bon moment et ça s'est pas reproduit donc voilà. Après, il faut qu'on m'invite. Hein. Donc, on m'invite, je viens. Comme disait Alain Bachon, je laisse venir. Voilà, je laisse venir. À l'époque, c'est un gars qui s'appelait Denis Wolf. Okay. Qui m'avait. C'était un des directeurs artistiques d'Audiogramme. Okay. Qui m'avait vraiment pisté, comme tu m'as pisté d'ailleurs. La maison de disques du premier album avait déposé le bilan, donc il avait eu du mal à me choper. Il a vraiment pris son temps sur deux ou trois fois. Et c'est notamment le gars qui avait produit, qui était vraiment l'initiateur du projet de l'ASA chez Audiogramme, et qui avait été un des producteurs artistiques du truc. Du coup, j'étais flatté parce que quand il m'a montré ce qu'il avait fait, ça avait du sens pour moi. Parce que pour le coup, Lassa, c'est une artiste que j'adorais vraiment beaucoup. Voilà, et qui malheureusement est plus là. Non, malheureusement, oui. Cancer, comme beaucoup de personnes malheureuses. Ben Tom, on va se revoir à Québec, au Québec incessamment. Il y a toujours le Festival d'été, il y a les francopholies qui laissent la place aux chanteurs émergents. Donc, bien sûr, mais j'ai que ce soit avec le nouvel album ou que ce soit avec mon projet des Fouteurs de joie. Ah ouais? Que je suis dans un groupe là qui marche beaucoup. Là, on a une grosse saison l'année prochaine aussi. Déjà l'année prochaine? Ah, là, je suis plein jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Là. Ah, c'est bon. Ouais. Quoi, des tournées? Beaucoup, beaucoup de concerts, ouais. À Paris, parce que j'ai deux projets sur la route qui sont les Fouteurs de joie et mon projet perso qui en ce moment c'est l'homme qui révèle être une girafe, donc c'est ce conte là, ce conte musical. Mais là il y a beaucoup de dates, là j'ai déjà 120 dates l'année prochaine. Alors c'est beaucoup de travail à venir. Oui, mais beaucoup de travail et très peu de temps avec oui, mais c'est aussi du stress ça. Ah oui, oui. Parce que arriver à faire plaisir à tout le monde et à être là pour bien faire les choses, et en même temps quand on a une famille et une toute petite fille qu'on a envie de voir, ça me stresse. Ben, écoute, on se revoit à Québec. Avec grand plaisir. Ben, merci Tom. Merci à toi. À la revoyure. Chez toi, on reparlera du temps quand on roulait vite sur nos biclounes tout le temps, des cabanes en branche, le temps des arbres et des sirops, des paquets d'enfance au fil de l'eau. Tu lis dans moi dedans, moi dans toi, tu sais, c'est pareil. Et y a mon cœur qui penche, mon cœur qui penche vers toi, mon frère. On ralentira, on prendra le temps, tu verras, d'aller voir la mer, rester devant longtemps. Je te ferai pas la gueule si on pêche aucun poisson, ce serait mieux quand même. Mais bon, tu vis dans moi dedans, moi dans toi, j'espère, c'est pareil. Et y'a mon cœur qui penche, mon cœur qui penche vers toi, mon frère. À nos peines en écrivant des chansons, y aura des cactus et des chardons, sûrement y aura des rivières, des amoureuses en plein air, nos paris et nos parents. Tu vis dans moi dedans, moi dans toi, je suis sûr, c'est pareil. Oh, et y a mon cœur qui penche, mon cœur qui penche vers toi, mon frère. Thank you.

But I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Know that big wheel keep on turning. Ooh, the primary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah. Rolling, rolling on the river. Rolling on the river. Say we're rolling, rolling. Rolling, rolling on a river, rolling on the river. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.